Bonjour, bonjour Daniel. Aujourd'hui, ou en première partie, on va parler des réincarnations, des personnalités réincarnatives. Bon. Y a-t-il plusieurs sortes d'entités ou de personnalités réincarnatives chez un individu? Il y en a plusieurs, et ce qui va être surtout intéressant qu'on parle un peu, c'est... On va parler évidemment, on va définir un peu la personnalité réincarnative, sa problématique, ses avantages. Une personnalité, c'est ce qui est révélé d'une personne. Alors, une personnalité, ce n'est pas une chose authentique. Quand je parle authentique, je veux dire totalement véridique. C'est une chose colorée. Alors, une personnalité, c'est ce qui est exprimé d'une personne. Et lorsque l'on réincarne des personnalités réincarnatives, on réincarne l'histoire connue d'une personne. Est-ce que c'est l'apparence physique? C'est l'apparence, pas physique, c'est l'apparence d'une personne. L'apparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu réincarnes une personnalité réincarnative de George V, tu vas réincarner ce que les gens ont vu de lui, tu vas probablement réincarner ce que lui voyait de lui, mais tu ne réincarneras peut-être pas la personne en question. Donc, la majorité des individus sont constitués de personnalités réincarnatives en ce sens que les gens réincarnent l'histoire. Mais est-ce qu'on peut réincarner la réalité de la personne qu'elle était? C'est ce qui doit, c'est ce qui devra se développer dans les années qui viennent. Les individus devront, certains le font déjà, devront réincarner les personnes en digérant, c'est-à-dire que tu réincarnes une personne et tu l'instruis, tu la reformes, tu la néoformes, tu la replaces, et puis à un moment donné, cette personne-là va devenir toi avec une expérience extrêmement accumulée. De ce qu'elle a vécu dans le passé, qu'une expérience qui va être beaucoup plus renforcée quand elle va commencer à être digérée par ta présence. La majorité des personnes réincarnent des personnalités réincarnatives, ça veut dire que les individus ici, vous avez réincarné près de 30 millions de structures informatives historiques, c'est-à-dire qu'on réincarne l'apparence des choses. Quand une personne réincarne une personnalité réincarnative de Mozart, la personne réincarne tout ce que Mozart pensait être lui-même, sa personnalité, ce qu'il voulait exprimer. Les gens ne réincarnent pas nécessairement la personne. C'est une partie de son âme, en fin de compte. Oui, c'est le bouclier de son âme. Le bouclier. Oui, la carapace. Le périsprit. Pas le périsprit. Ça reste astral, mais c'est la carapace. Toutes les mécaniques de protection psychologique qui font en sorte que tu n'es pas transparent, c'est une personnalité. Alors, les gens réincarnent des personnalités. Les gens réincarnent, bon, par exemple, si on s'habille pour suivre la mode, on veut avoir une personnalité particulière. Si on voit un film de Rambo, puis quand on sort du cinéma, on veut absolument t'approcher le monde, on réincarne la personnalité du gars Rambo, bon, qui est une histoire vécue. Et quand on réincarne des personnalités, on réincarne les carapaces, on réincarne donc, on ne réincarne pas l'humain tel qu'il est. On ne réincarne évidemment pas son esprit, et on réincarne ce qu'il a laissé en termes de traces mémorielles. Et c'est pourquoi l'humain peut être constitué de 30 millions de personnalités réincarnatives sans être constitué de 30 millions de personnes réincarnées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute la structure ascensionnelle, celle qui a trait à la conscientisation, donc qui exclut l'évolution, l'être humain doit, au fur et à mesure qu'il va prendre conscience de ce qu'il est, il doit nécessairement détruire les personnalités. Ça veut dire que l'humain doit détruire les personnalités réincarnatives qu'il a chez lui. Ça veut dire que l'humain doit détruire aussi ses propres personnalités qu'il tient à exprimer, de façon à être reconnu comme étant quelqu'un dans le monde, alors qu'une personne qui a des personnalités n'est pas quelqu'un, c'est une personnalité. Les individus doivent donc travailler, au fur et à mesure de la conscientisation, à détruire les personnalités réincarnatives. Ça veut dire, comme tout à l'heure on parlait, la personne qui lit un livre d'histoire et puis qui, à un moment donné, ou qui va voir le film, il y a un très bon film qui sort présentement, c'est Robin des Bois. Quelqu'un me disait hier, « Hey, Daniel, t'es à l'affiche présentement. » Mais bon, quelqu'un va voir ce film-là et puis à un moment donné, il a l'impression qu'il y a des affinités avec Jean ou avec Marianne ou avec plusieurs autres. Et puis la personne peut avoir le goût d'agir, d'avoir la personnalité, disons, d'un héros. Alors, la personne, disons, c'est Robin de Locksley, la personne, elle a l'impression elle aimerait avoir sa personnalité, elle aime la façon dont elle parle, etc. Alors, la personne, elle peut se dire, bon, c'est comme ça que je veux être. Là, ce que la personne fait, c'est qu'elle réincarne la personnalité de Robin, ou du héros, ça peut être Zorro. Oui, mais là, ce qui est Wild, c'est un film, mais le personnage dans le film ne ressemble pas forcément au personnage de la réalité. Non, sauf que ce qu'elle veut réincarner, c'est la personnalité du héros. Théo. Et cette personnalité-là, elle existe dans l'astral au même titre que la personnalité, disons, réelle du gars en question dans le passé. Pourquoi? Comme il y a des personnes qui ont réincarné la personnalité de M. Spock. Alors que M. Spock, c'est un vulcain, mi-vulcain, mi-humain, et ça fait partie des patrouilles du cosmos, puis le personnage n'existe pas dans la réalité matérielle. Sauf que vu qu'il a été créé dans l'illusion humaine, nécessairement il existe dans l'astral, on peut réincarner des héros comme ça. Les romans de Savon, hein, les romans d'amour, il y a tellement de femmes, à un moment donné, qui voulaient réincarner la princesse aux cheveux longs, puis se ramasser avec un prince, parce qu'on connaissait pas la suite, le prince était alcoolique après, etc., mais dans l'histoire, on les compte pas. Ah, les gens, ils voulaient réincarner ça, pour ça, ils se rendaient compte qu'il y a des problèmes. Mais on peut réincarner des histoires. Ça fait partie des structures d'utopisation, mais ça fait partie des structures de réincarnation pluralitaire des personnalités. La personne, elle, bon, la question qui va se poser, c'est qu'il y a une grosse nuance majeure. Quand une personne dit, je réincarne la personnalité, ou je crois que je réincarne, ou je réincarne, ou je sais que je réincarne, parce qu'elle peut ne pas être sûre, donc elle peut penser que je crois que je réincarne Marianne. C'est pas toi, j'espère. Marianne. Et la personne qui dit « Je crois que je réincarne Marianne », on peut discuter avec elle. Elle peut digérer la personnalité. La personne qui dit « Je crois que je suis Marianne », elle est faite à l'os. Non seulement elle perd sa conscience, elle perd sa vie, elle perd sa conscientisation, et en plus, elle se fait digérer. Mais elle se fait digérer par une personnalité. Ça veut dire qu'elle se fait digérer autant par une illusion que par une chose réelle. Parce que la Marianne, il y en a eu un bon paquet de Marianne, dépendamment du nombre de dieux qui ont vu Marianne, et de personnes qui ont parlé, du nombre de bouches qui ont parlé de Marianne. La personne qui dit « je crois que je suis Marianne » ou « que je suis… » Ou Marie-Madeleine, il y en a beaucoup qui ont… Oui, « je crois que je suis Marie-Madeleine ». Pauvre toi. C'est Marie-Madeleine aujourd'hui ici, là, de la misère, fait marcher un faux micro-ondes. Il y a des problèmes si elle est Marie-Madeleine. Les personnes, et c'est pas une question de jeu de mots, c'est une question de conscience. Parce qu'effectivement, on réincarne des personnalités. Mais de là à devenir la personnalité, il faut faire attention un peu à ça. Pourquoi? Parce que on est bien correct comme on est là. On a des personnalités convenables. Il y a des choses qu'il faut corriger, des choses dans l'expression qu'il faut arranger, dans les structures de manipulation qu'il faut rectifier. Mais les individus, ce sont déjà de base correct. La personne qui réincarne des personnalités, elle réincarne uniquement des masques, elle réincarne des structures qui vont faire en sorte qu'elle va se donner de la valeur. C'est-à-dire que la personnalité, c'est un filtre qui permet de filtrer l'onde de forme que tu aimais de façon à ce que ça ait une coloration particulière, celle que ton ego aimerait avoir, ou encore si ton ego est extrêmement collectif, celle que les gens vont apprécier que tu es, et les gens vont te retourner en onde de retour ce que tu aimerais recevoir comme nourriture. Alors, quand on réincarne des personnalités, on réincarne des personnalités. Si on réincarne la personne, ça veut dire qu'on réincarne fondamentalement des mécaniques astrales qui sont extrêmement pures. Quand on réincarne une personne, on réincarne l'individu sans ses problèmes. Quand on réincarne une personnalité, on réincarne son histoire, donc on réincarne sa vie, donc on réincarne ses problèmes. Et nécessairement des qualités qu'elle a exprimées. Sauf que quand on réincarne une personne, on ne réincarne que de la pureté, on réincarne que des qualités qui n'ont pas nécessairement été exprimées, mais il n'y a pas de défaut dans la personne. Mais est-ce qu'on peut, mettons, il y a un personnage qui nous plaît, est-ce qu'on peut aller chercher... Un personnage, c'est une personnalité. D'accord, une personnalité qui nous plaît. Est-ce qu'il y a moyen d'aller la chercher? La personnalité? Oui. Mais pas la personne? Non, pas la personne. Ben oui, aucun problème. Tu n'as qu'à essayer de l'imiter. Tu n'as qu'à apprendre un peu les phrases qu'il disait. Tu n'as qu'à te vêtir un peu comme dans ce temps-là. Tu n'as qu'à écouter de la musique qu'il écoutait. Tu vas aller chercher une personnalité, ce sera pas long. Et la personnalité, elle a énormément d'avantages. C'est-à-dire qu'elle a pas d'avantages, mais c'est extrêmement utile d'aller chercher des personnalités. Parce que les personnalités vont devenir progressivement, chez l'être nouveau, des bijoux. Les personnalités réincarnatives qu'on va aller chercher par certaines stratégies vont devenir des bijoux. Ça va devenir une forme d'apparat. Parce qu'il faut bien comprendre que bien que nous ayons des caractéristiques d'être nouveau, nous restons confinés à vivre dans un monde d'être ancien. Donc, nécessairement, il nous faut des cartes d'affaires. Alors, les cartes d'affaires, ça va être, j'ai un petit bijou sur le doigt ici, qui va faire en sorte que quand je rentre à la banque, le banquier qui a le ras-le-bol de prêter, lorsqu'il me voit arriver, il veut parler avec moi, puis il me prête tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que ce banquier-là réincarne des personnalités de personnes qui ont connu les personnalités que moi j'ai attirées. Alors, autrement dit, c'est qu'il y a subitement l'impression que, à moi, il peut me faire confiance. Il a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'est, il aime jaser, on est sympathique, il y a une sympathie qui se dégage immédiatement. Alors, mon apparat, c'est cela, c'est un saut astral, c'est une marque. Les personnalités, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre de nous ouvrir, d'ouvrir la majorité des portes dans le système du poisson, donc dans l'ère actuelle, et ça nous permettra plus facilement d'aller asseoir notre énergie dans un contexte sur une base de lancement, bien que l'être nouveau soit la fusée ou la navette qu'on veut lancer, il a besoin de la Terre. C'est ce qui se passe dans le groupe Paris, ce qu'on veut faire dans le groupe Paris, justement. Genesis. Justement, avoir un protocole et aller chercher, justement, des Exactement. Des si on regarde Genesis, ça veut dire Genèse en latin. La Genèse, c'est de là que partent les choses. C'est le début, c'est l'origine. C'est pourquoi le groupe porte ce nom, Genesis. Simplement, c'est de là que devrait normalement partir tout ce qui devrait être pratiquement et matériellement utile aux individus qui vont se conscientiser, du point de vue de l'application matérielle des conditions évolutives. Les personnes, d'ailleurs, le rôle majeur du groupe Genesis, c'est uniquement d'aller chercher des personnalités réincarnatives, donc des apparats qui vont faire en sorte que les individus vont être reconnus lorsqu'ils vont sortir. C'est évident que ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en deux, trois, quatre fois, ça se fait progressivement. Et ça va faire en sorte que plus, comme là, j'ai remarqué qu'il y a des individus qui ont décidé d'appliquer plus profondément la mécanique d'attraction de réincarnation positive. Et suite, par encore entre autres, à la première rencontre Genesis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a des personnes qui ne le feront pas, qui vont, par exemple, une fois par mois, ils vont faire certaines choses, et le reste du temps, ben, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la solidité psychologique ou émotive ou énergétique pour le faire. L'individu doit progressivement s'autoriser à faire des choses, il va se rendre compte que très rapidement, il va digérer ce qui se passe, il va être de plus en plus à l'aise dans un contexte de mieux en mieux. Alors que les personnes, étant assujetties à la médiocratie, très souvent, ils ne veulent pas. Les personnalités, c'est donc des choses extrêmement utiles. La problématique, c'est que l'être nouveau va progressivement se départir des personnalités de façon à devenir, donc à exprimer l'intégrité et la totalité de sa personne. Alors, il ne sera pas une personnalité, il va être une personne. L'individu, par contre, va avoir la capacité mentale et supramentale de se servir de la personnalisation des choses, de la personnalisation de la matière, ou de la personnalisation des idées, ou de la personnalisation des humains. C'est-à-dire qu'on met un apparat qui va faire en sorte bon, vous prenez une pilule, elle est très, très mauvaise au goût, c'est totalement dégueulasse. Alors, on va la personnaliser pour que c'est plus facilement acceptable. On va mettre du sucre autour. Et le médicament reste le même. Il a la même capacité, les mêmes choses. C'est sûr qu'un bon médecin va dire, écoute, je donne un médicament contre telle chose, puis je donne du sucre en même temps, on va trouver quelque chose d'autre pour camoufler le mauvais goût du médicament. On va personnaliser le médicament. Alors, les pensées, les idées, etc., ça devrait être personnalisé. Pour personnaliser une chose, l'être nouveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va néotyper. Ça veut dire qu'il doit se servir premièrement des symboles déjà existants pour aller chercher les personnalités qui avaient de l'allure, qui sont attachées à ces symboles-là. L'être nouveau va se servir d'un langage, d'une philosophie musicale, d'une philosophie vestimentaire, d'une philosophie de protocole pour aller chercher les personnalités réincarnatives qu'il décide qu'il veut aller chercher, qu'il veut avoir. Comme par exemple au niveau du groupe Genesis, c'est extrêmement clair qu'on ne veut pas attirer des égrégores d'hommes ou de femmes d'affaires, qu'on veut attirer des égrégores de royauté, parce que les hommes et les femmes d'affaires travaillent, les royautés ont toujours eu le temps et l'argent sans rien faire. Donc en partant, tout le protocole au complet est basé sur la réincarnation de tout ce qui a été royal à travers le temps. L'être nouveau comprend la mécanique, applique la mécanique, va se chercher des outils qui vont être des apparats. À un moment donné, on va dire, bon, il y a une personne qui va dire, moi, si je comprends bien, pour arriver à avoir telle efficacité ou tel succès dans cette vie-ci, je devrais porter une bague avec un anneau, par exemple, avec un diamant. Alors, on peut lui dire, effectivement. On va dire, oui, mais j'ai toujours détesté les maudites bagues. Et tu t'accroches avec ça, puis t'as dit, ça n'a rien à voir. L'humain doit commencer à comprendre qu'il ne doit pas baser sa vie sur ce que ses personnalités actuelles détestent. Il doit commencer à bâtir sa vie sur un succès, une efficacité réelle. Et ce qu'il veut, l'humain va trouver, comme il y en a par exemple, bon, la personne elle met sa bague, si ce n'est pas la bonne bague, elle ne l'aimera pas, fait qu'elle va dire « j'aime pas les bagues ». La journée qu'elle va trouver celle qu'elle a besoin, elle va la mettre, puis subitement, dans de quelques secondes, elle va la trouver correcte, elle va être adaptée. Elle l'accrochera pas, elle sera pas mal pris avec, elle va subitement l'aimer. Sauf que tant qu'elle ne l'a pas essayé, elle est convaincue que non, parce qu'elle résiste à l'avancement. D'ailleurs, la majorité des choses qu'on va refuser, c'est uniquement parce que ces choses-là vont réussir. Bon, quand on a, c'est ça qu'il faut faire, puis qu'on n'aime pas ça, c'est parce que l'ego ne veut pas avancer. L'ego, sauf encore, bon, c'est l'égotisme, l'ego ne veut pas bouger. L'être humain qui accepte, qui comprend la mécanique des personnalités, va donc comprendre que la personnalité n'est qu'un apparat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit être totalement transparent au travers des personnalités qu'il va créer. Ça veut dire quoi être transparent au travers des personnalités? Ça veut dire que la personnalité ne doit jamais prendre le dessus sur la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, disons que toi, tu réincarnerais l'individu autoritaire qui doit avoir raison. Alors, nécessairement, tu diriges une réunion, par exemple, et à un moment donné, tu dis des choses, puis finalement, tu te trompes quelque part. Alors, il y a une personne qui te signifie que tu t'es trompé. La personnalité que tu réincarnes doit toujours avoir raison. Mais parce que maintenant, elle était la personnalité, elle est habitée d'un être intelligent, elle doit toujours avoir raison dans le sens de toujours avoir raison. Et non pas dans le sens de prétendre toujours avoir raison. Alors, ça veut dire que parce que maintenant, la personnalité de celui qui a toujours raison est habitée par un être intelligent, l'être intelligent, à travers la personnalité, lorsqu'il se rend compte qu'il s'est trompé, il ne jouera pas le jeu de la personnalité en disant « Écoute, je l'ai dit, c'est comme ça. » Il va jouer le jeu de l'intelligence, donc l'humain doit rester transparent à travers la personnalité. Alors, il va dire à la personne « Effectivement, tu as raison. » Ça, c'était faux. Et maintenant, la personnalité, elle va continuer à t'exprimer, puis l'intelligence continue à défiler au travers, et ça, c'est une personnalité utile à l'être nouveau. Donc, bien, bien utilisée. Alors qu'une personne qui déploie une personnalité, ce n'est pas long qu'il finit par s'imbiber de la personnalité, alors il ne sait plus trop s'il est ou s'il n'est pas la personnalité. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est que... C'est ça le danger, justement, de, ben, c'est un gros de danger. Se faire avoir par la personnalité. Oui, sauf que la personne qui applique matériellement tout ce qu'elle doit appliquer ne peut pas se faire avoir. Et je le dis souvent, je le répète encore, la majorité des personnes ici présentes, s'ils se font avoir, elles vont se faire avoir une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, probablement plus longtemps que ça. Donc, c'est pas grave. Parce que les individus ont suffisamment de conscience, suffisamment d'intelligence chez elles, pour ne pas se faire ramasser à long terme, dans la majorité des cas. Il y a quelques personnes ici qui ne peuvent pas se faire ramasser présentement parce qu'elles sont déjà totalement ramassées. Je vais, peut-être qu'elle n'est pas venue, parce que je le dis, j'aurais voulu lui parler. Ah, et peut-être qu'elle est bien cachée. Mais il y a quelques personnes, effectivement, présentement, qui continuent à suivre ici, et ce sont des personnes qui sont rendues dans leur personnalité à un point que si tu leur parles, tu les insultes. Et c'est la personnalité qui est insultée. Moi, je vais dire à quelqu'un, bon, regarde, je vais dire à quelqu'un simplement, bon, toi, tu es une personne extrêmement correcte, mais, hélas, tu comptes souvent des mensonges. Et là, je l'insulte. Mais je ne dis pas ça pour l'insulter. Elle compte des mensonges. Il faut bien que quelqu'un lui dise. Bon, est-ce que tu veux évoluer pour être pur? Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, cesse de mentir. Oh ben, hey, tu pourrais être poli. Ben, tu ne veux pas évoluer. Tu veux qu'on dort ta personnalité? Il y a des personnes qui sont extrêmement négatives, il y a des personnes que plus les choses vont bien, plus elles pensent que ça va mal. Il y a des personnes qui vont même assister à des réunions, comme au groupe Genesis, la dernière réunion, il y a des personnes qui sont venues jaser, et ces personnes-là ont été des personnes destructrices. Elles ont eu comme fonction cette soirée-là de détruire les choses, de rabaisser les énergies, de ne pas croire à rien, de trouver que les choses n'allaient pas bien. Alors qu'est-ce qu'elles font là, cette personne-là? Ça fait partie des personnes qui ont des problèmes avec leur personnalité. Ce sont des personnes qui ont développé des personnalités au cours des ans. Et ces personnes-là, à un moment donné, continuent à préserver cette personnalité-là alors qu'ils sont de très bonnes personnes. Je connais, moi, des personnes qui, je crois, œuvrent dans l'enseignement. Qui, dans l'enseignement, on développe facilement des personnalités pour se protéger des enfants. Et quand on développe des personnalités comme ça, on développe des personnalités où on a souvent la difficulté à entendre parler ou à se faire remettre à l'ordre par un plus jeune. Mais je connais parmi la salle ici des enseignantes qui ont ce problème-là. Et je connais des enseignantes qui ont la capacité d'être drôlement bien transparentes. Alors, elles ont de la difficulté dans leur vie, dans leur structure, dans ceci, dans cela. Mais elles sont capables, malgré la personnalité d'enseignante, d'être suffisamment transparentes pour être capables de continuer à apprendre. Leur problème, c'est qu'elles sont transparentes, capables de continuer à apprendre, puis elles en souffrent intérieurement, alors elles se niaisent, elles boitent. Et puis, il y en a d'autres qui, par contre, se servent de leur personnalité, puis là, on a de la difficulté à communiquer, parce que c'est toujours comme une insulte, ou c'est toujours qu'on aurait pu le dire différemment, plus doucement, tu sais, vous avez esquinté ma personnalité, il me semble que vous auriez pu être bien poli, puis il faut faire attention, parce que... Qu'est-ce qu'on doit là, faire, je parle de deux personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ces deux personnes-là sont extrêmement correctes. Mais les personnalités deviennent des problématiques. Il y en a une, sa personnalité, elle n'est pas trop problématique, sauf que la médiocratie nuit un peu, puis l'autre, la personnalité devient une barrière complète. Alors qu'à l'intérieur, la personne, elle est correcte. La preuve qu'elle est correcte, c'est que la personne, elle continue à suivre des structures évolutionnaires, sauf qu'elle n'applique pas grand-chose. Pourquoi? Parce que sa personnalité, avant tout, donc, elle ne veut pas être... Bon, il y a d'autres personnes ici qui sont extrêmement puissantes, qui sont extrêmement brillantes, puis à tous les mois, on se dit, ah, elle s'est améliorée, cette personne-là. Puis à un moment donné, on se dit, bon, ça y est, là, elle est dans sa rechute, là, on va attendre un peu. Puis à un moment donné, elle s'améliore encore, cette personne-là. et puis elle s'améliore toujours. Mais il y a un maudit problème, c'est qu'elle fait tout pour s'empêcher de s'améliorer. Alors, il y a des mécaniques qui lui permettraient... Bon, la personne, elle avance, elle applique certaines choses, puis là, à sa grande stupeur, elle découvre que ça fonctionne. Hein? Comme par exemple, elle travaillait pour vendre des babelles, ça, elle en vend, mettons, 4. Elle m'en donnait des sites, ben là, je ne travaillerai pas plus, puis elle en vend 4 ou 5 maintenant, c'est qu'elle travaille moins. Bon, la découvre, sa stupéfaction, ça fonctionne. Sauf que la personne, elle comprend des mécaniques, puis à un moment donné, il y a des petites choses qu'il faudrait qu'elle fasse. Juste 3 ou 4 petites babelles pour qu'elle change le monde. Ça, elle les fera pas. Ça, là, jamais. Moi, je me suis juré, avant même de naître, que jamais je ferais ceci. Puis là, la personne, à un moment donné, ben là, à côté là, commence à faire une rechute en descendant. Puis après ça, elle va recommencer à monter encore jusque-là. Pourquoi la personne, elle s'illusionne qu'un jour, elle va être capable de traverser sans avoir à traverser? Ça va être correct. Et non, à un moment donné, la personne devra s'enligner pour être à la hauteur de sa situation. Je regarde les individus souvent, puis je leur dis, toi, présentement, là, tu n'es pas habillé comme il faut. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu dégages, là, est de beaucoup supérieure à ce que tu as comme onde de force. Et le vêtement matériel, il sert à quoi? Il sert à supporter ce que t'es. À quoi il sert le vêtement matériel, entre autres? Il sert à instruire vos égos de ce que vous êtes. Donc, il sert à instruire la personnalité de ce que vous êtes en tant que personne. Mais l'individu qui ne veut pas porter le bon vêtement et continue à s'instruire toujours qu'il est un imbécile, c'est-à-dire qu'il est au niveau du vêtement alors que progressivement, il s'est émancipé. Je regarde des personnes ici qui sont mal habillées. Et quand je dis mal habillées, je veux dire qu'ils n'ont pas le vêtement ajusté à ce qu'ils sont, elles. Le vêtement, j'expliquais ça à la réunion Genesis, leur vêtement est très beau. C'est très correct. Sauf que ce n'est pas le vêtement que tu aurais dû porter. Comme par exemple, elle, sa tenue psychologique avec sa grande gueule. C'est totalement au-delà de ce qu'elle est. C'est une façon de continuer à avoir l'air d'une personne qui est une entité sociale, qui n'a pas d'instruction, qui ne fait rien. T'sais? Sauf qu'elle a ce qu'il faut pour grouiller. Elle ne grouille pas. Et la façon dont elle s'habille n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. De temps en temps, elle a un discours, elle a un vocabulaire, elle a tout ce qu'il faut énergétiquement. Cette personne-là, il y a des grandes portes ouvertes en avant d'elle. Chaque fois que les portes ouvrent en avant d'elle, là, ben là, elle chie dans ses culottes, puis là, elle se met à puer, puis là, elle s'en va. Elle trouve que c'est comme ça, il faut qu'elle soit. Elle aimerait, un peu comme j'ai rencontré certains personnages à un moment donné, eux autres, ils aimeraient être reconnus comme dans les hautes classes, à la condition qu'ils puissent continuer à fumer leurs potes, puis se promener en jeans. Les jeans déchirés, si possible. Qu'on voit un peu leur bobette, déchirés, si possible. Bon. Alors, eux autres, ils se disent, oui, mais tu sais, on devrait être capable de. L'idée n'est pas là. C'est que toi, tu rentres là, puis habillé en jean, on t'accepte. Il n'y a aucun problème. À un moment donné, tu es en train de manger à la table, habillé avec tes jeans, on t'accepte. À un moment donné, tu es là, tu continues à manger. Il y a une problématique dès que tu commences à te fouiller le nez. Puis là, après ça, tu fais un gros pet. Puis là, pendant que les gens mangent, tu dis, hey, ça a l'air bon, ton affaire. Pique dans son assiette, voilà, ça donne. C'est ça. Si tu es habillé convenablement, il y a des fortes chances que tout ça, tu ne l'aurais pas fait. Ça. Pourquoi? Parce que si tu es la personne, si tu es rendu à un niveau particulier, si tu n'es pas à ce niveau-là, t'en fais quand même, on appelle ça un parvenu. Mais, vous savez, il y a les parvenus, puis il y a les mévenus. Il y a un paquet de mévenus ici, qui ne jouent pas à être trop haut, qui jouent à être trop bas. Et ça nuit. Du monde brillant, intelligent, qui continue à se maintenir endoformiquement dans ce qui est bas, donc ils entretiennent des personnalités qui les nuisent. Il y en a, ce sera leur coupe de cheveux. Ça fait combien d'années que tu as la même tête? C'est peut-être bien correct, sa coupe de cheveux. La problématique, c'est que l'individu a changé. L'individu a changé, puis elle porte la même mode qu'elle portait, là, 5 ans, 10 ans, ou combien d'années. Elle porte la même coupe de cheveux, etc. L'individu a changé, puis comme son nom de sa personnalité ne veut pas changer, bien, l'individu, ce qu'elle est toujours filtrée par la personnalité, donc elle s'instruit toujours de son médiocrisme. Oui, ça fait 3 ans, oui, il me semble, je peux changer bien. Qu'est-ce que t'as fait pour changer? J'ai suivi des cours PMC. Non, ça, c'était d'instruction pour te permettre de changer. Qu'est-ce que tu as fait pour changer? J'ai fait le ménage de ma maison. Tu as jeté des choses, Non, j'ai boosté. J'ai changé de place. Ouais. Qu'est-ce que les gens font pour changer? Pas grand-chose. Ils ont peur. Puis chaque fois qu'on doit aborder une mécanique qui va nous permettre d'avancer convenablement, les gens ont peur. Je comprends que les gens aient peur, c'est sûr. Pourquoi? Parce que les égos ne sont pas habitués de se nourrir d'une chose neuve. Puis les égos, ils se disent tout le temps, je vais mourir à un certain point. Puis les égos ne meurent pas à un certain point. Les égos s'améliorent aussi, mais c'est évident que l'ego qui était problématisé n'est plus là. Mais c'est une mort qui est plaisante, une mort qui va vers le plaisir, qui va vers la libération. C'est une mort qui est extrêmement intéressante, parce qu'en réalité, c'est une renaissance sans mort. L'ego qui vit une égoïsation, il ne meurt pas, il renaît. Il renaît, et il renaît, et il renaît, et il renaît sans mourir. Mais ça, l'ego ne comprend pas le principe, parce que l'ego vit avec des dimensions très, très, très, très mémorielles, très, très anachroniques, donc il ne peut pas comprendre toute la mécanique. Il y a plusieurs personnes qui ici, ne sont pas endoformiquement à leur niveau, c'est-à-dire qu'elles continuent à entretenir des personnalités qui les nuisent. Moi, j'ai connu une personne, à un moment donné, la personne s'est coupée la moustache. Elle a commencé par une moitié, ça l'a l'air. Quand elle a vu que ce n'était pas correct, il fallait qu'elle coupe l'autre, pareil. Et puis, ça a poussé. Et puis, à un moment donné, elle l'a recoupé encore. Puis, ce coup-là, ça allait. Même face, même affaire. Là, c'était le temps. On l'a revu, à un moment donné, avec une moustache. Mais en photo, pittorieux. Ça n'a aucun sens. Le gars, il a l'air. Là, tu peux voir plein de choses qu'on ne voyait pas à l'époque, parce qu'on était inhibés. Les individus ont intérêt à changer leur personnalité. Puis, quand je parle de changer la personnalité, c'est. On en revient encore. La personnalité, c'est quelque chose qui permet à l'humain astral d'avoir l'impression qu'il a de la valeur. Vous avez de la valeur en fonction de la valeur de votre personnalité. Et c'est vrai que ça fonctionne comme ça pour l'ego. Autrement dit, l'humain développe des personnalités de façon à donner à son ego de la valeur au niveau d'émotion. La problématique, c'est que si au niveau de votre énergie, vous montez au-delà de votre personnalité, il faudra changer la personnalité. Comme l'ego est habitué à connaître une personnalité qui le nourrit pendant 2 ans, 3 ans, 15 ans, 30 ans, ben, il ne veut pas qu'on change la personnalité. L'ego va dire, écoute, je ne suis pas ça, moi. Non, toi, tu n'es pas ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut faire croire à l'ego qu'on joue? Peut-être que là, il se laissera, il mettra moins d'opposition. Non, parce que si tu fais croire à l'ego que tu joues, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas le voir te prendre au sérieux, ou être sérieux plutôt, l'ego va continuer à penser que tu joues. Les parvenus jouent. La jeune fille qui, à un moment donné, là, commence à avoir des caractères sexuels secondaires, puis qui se développe, etc., puis elle commence à être une femme, puis elle commence à avoir des menstruations, ces choses-là, puis les seins commencent à pousser. Elle peut se dire, écoute, tu m'as fait comme si j'étais une femme, mais j'en suis pas une. Mais toute sa vie va ressembler à quoi? Bien, il y a une femme qui est une fille de 14-15 ans, qui se maquille encore de la craie, tu sais, puis qui marche avec des souliers talons hauts en popoune, puis qui n'a rien compris ce que c'était qu'une femme. Elle va jouer à la femme, pensant que son ego va accepter. Son ego va accepter le jeu, mais elle ne pourra jamais être une femme. Le bonheur est où là-dedans? Il n'y en a pas. Elle joue. Fait que le soir, quand elle vient, elle a toutes ces cochonneries de jouage de femme, elle peut tout ses seins. Non, mais jouer consciemment. Même là, c'est-à-dire, ça sert à quoi? Non. Tu l'es ou tu ne l'es pas? Tu l'es, parfait, sois-le. C'est simple. L'ego, il va faire de l'ego. Un ego, là, ça s'habitue vite en maudit. Ça s'habitue très rapidement. Ça souffre démesurément, au-delà de ce qui va lui arriver. Ça souffre toujours démesurément, un ego. J'ai peur, je t'inquiète, on déménage, on y fout la marde, comme un balai, et on fait déménager de cabane. Bon, hein, et puis on va rencontrer son patron, puis on est tous pognés, on rencontre X, Y, Z, on fait juste, en tout cas, on sort. Les gens sont, les égos sont tous mal pris. Pas les personnes, les personnalités ont des problèmes. Pourtant, ça s'adapte tout de suite comme ça, ping, ping, ping, ping, ping, c'est réglé. C'est réglé. Oui, je ne pensais pas que c'était pour être facile, que c'est ça. Toute ta vie, tu ne penseras pas que... C'est toujours dur avant de le faire, mais une fois qu'on l'a fait, c'est toujours démesuré. Oui. La désinhibition, c'est la même chose. On a peur. Puis quand tu le fais, c'est facile. Les égos souffrent démesurément. Mais la démesure de l'ego, c'est une structure qui fait en sorte... J'ai expliqué dans la conférence de vendredi dernier une chose extrêmement importante qui va falloir que je résume. C'est dommage aux personnes qui ont assisté. Puis ça serait extrêmement intéressant que vous vous procuriez la cassette, l'enregistrement de la première partie. Vendredi, donc, il y a deux jours. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la Terre, une vaste prison. Et là, j'ai expliqué pour la première fois qui et pourquoi l'humain était astralement manipulé. Et là, ça va permettre à tout le monde de comprendre beaucoup plus facilement pourquoi, à un moment donné, il y a des mécaniques dans l'astral qui font en sorte que l'humain n'avance plus. Il ne faut pas qu'il avance. L'humain commence à comprendre à un certain niveau, là, il est tout perdu. On ne veut pas qu'il comprenne plus. Et en écoutant cette conférence-là, on comprendrait. Tout est expliqué là-dedans. L'humain doit saisir. Ça fait partie des mécaniques, c'est que toute la structure évolutionnaire dans l'astral n'a pas été structurée pour l'homme. Ben, la femme ou l'enfant. Ça n'a pas été structuré pour l'humain. C'était structuré pour qui? Pour les intraterrestres. Sauf que l'humain, par un paquet de mécaniques que j'explique lors de la conférence, est associé à ça dans sa psychologie puis dans son émotivité, ce qui fait que l'humain est associé à ça dans son évolution spirituelle, l'humain est associé à des lois qui ne le regardent pas. Il y a des intraterrestres qui sont en prison sur le plan planétaire, puis on leur a placé un schéma astral pour leur permettre d'une instruction. L'humain se connectait en ça astralement parce qu'en Lémurie, c'est mêlé génétiquement à eux. L'humain, lui, ne peut pas comprendre la puissance de l'instruction, il voit là qu'une punition. Alors, l'humain est puni, l'humain est médiocre, l'humain est archétypalement totalement condamné par les dieux, l'humain est en décadence, en chute, et l'humain n'arrive pas à s'en sortir. Quand la personne, elle se dit, oui, mais regarde, là, l'astral frappe dur, je me sens encore fait ramasser. C'est une structure d'ascension. Il n'a pas à souffrir, l'homme. La souffrance, c'est uniquement le gardien de prison qui te dit, ah, t'as pas besoin de sortir, flore, tu rentres dedans. Mais tu te promènes toujours avec les vêtements des prisonniers, mais t'en es pas un, toi, là. Fait que le gars qui garde vient de voir arriver, il tire dessus, il te rentre dedans. Là, tu comprends pas ce qui se passe. Puis là, ben là, il a déchiré ton beau chandail des prisonniers. Là, tu te mets le coude, toi, là. Tu le répares, tu l'entretiennes. T'es quelqu'un. Oui, mais t'es pas du tout dans le scénario. T'es pas dans la bonne salle de cinéma. Alors, vous auriez réellement intérêt à écouter cette conférence. Ça va permettre de comprendre énormément de choses et ça va permettre, comme on disait souvent, dans les conférences du vendredi, on donne beaucoup plus de choses pour appliquer. Conférence du mois, on va aller chercher de l'énergie puis on va aller chercher des degrés beaucoup plus hauts qu'on ne donne pas les vendredis. Mais ça ne veut pas dire que les conférences régulières s'adressent uniquement aux individus qui débutent. Dans le langage d'oiseau, ça s'adresse énormément à ceux qui continuent. C'est sûr que dans le langage courant, on ajuste un peu aux débutants, mais il y a des points là-dedans qui sont extrêmement intéressants. L'individu qui commence à vivre sa personnalité, ben, à un moment donné, c'est ce qui va lui arriver. Il y a des mécaniques qui vont venir lui dire, écoute, c'est pas ça, on vient le bloquer, on vient le barrer. Pourquoi on vient le barrer? Ben, uniquement parce que ceux qu'on doit barrer ne doivent pas toucher l'intelligence supramentale, c'est les extraterrestres. Ils ne doivent pas toucher à ça. L'être humain est associé à des personnalités. Les personnalités, ce sont des mémoires. Des mémoires qui vous font dire ce que vous êtes. Alors, n'en changez pas. Mais les intraterrestres, eux autres, doivent rester ce qu'ils sont parce qu'ils ne doivent pas évoluer, ils ne doivent pas aller chercher du neuf, de la nouveauté, tant qu'ils n'auront pas digéré des mécaniques trop avancées pour eux qu'ils ont expérimentées dans un autre monde. Ils ont été placés sur le plan planétaire, dans une école d'allégés, un peu plus froid, refroidi, puis on leur laisse quelques millions d'années pour qu'ils puissent digérer les choses. Là, on ne veut pas qu'ils s'en aillent, mais pourtant, ils ont des véhicules spatiaux. Non, oui, ils ont des véhicules spatiaux, mais ils peuvent pas aller loin avec ces véhicules-là. Les véhicules, c'est du sol, ils vont s'en aller. Ils ne peuvent pas aller loin, ils peuvent se promener, ils peuvent épater. Puis ceux qui ont des véhicules spatiaux, c'est simplement le service d'entretien du monde astral. C'est juste pour entretenir des mécaniques dans l'astral. Ils servent un peu de l'humain pour ça, parce que l'humain est utilisable. L'humain est utilisable à n'importe quoi, l'humain. L'humain, tu lui dis, écoute, moi, donne une pinotte, tu veux-tu? Il dit oui, tout de suite, l'humain. L'humain est utilisable à n'importe quoi. On peut acheter un humain, c'est facile, on peut acheter un humain. Tu veux tuer ta mère? Non, 10 000 piastres, tu tues ta mère. Non, 1 million, tu tues ta mère. Non, 1 milliard, tu tues ta mère. Le gars dit non. Parfait. Sors rien que 500 000 mêlés en avant. Tu vois que c'est même pas 1 milliard. Il va commencer à se demander si. Bon, alors jusqu'à là, c'est peut-être que c'est malade. Puis, rajoute 3-4 briques et tu vas voir. Dans l'astral, c'est la même chose. Parce qu'on achète l'humain comment? Ah, il tue pas sa mère, l'humain. Non, sauf que l'humain, il rend des témoins de Jéhovah ou dans les Krishna ou dans n'importe quoi. Et puis après ça, ben là, il va aller convertir sa mère. Après ça, il commence à haïr sa mère. T'sais, il y a même du monde qui tue le femme, le mari ou les enfants au nom de Dieu. On peut acheter l'humain avec n'importe quoi. Alors eux, ils servent de ça, ils vont enterrer, ils vont rencontrer du monde, ils vont parler, etc., puis ils s'amusent. Mais ça, c'est simplement le service d'entretien du monde astral, parce que le monde astral n'appartient pas à l'humain. Le monde astral, l'humain nourrit le monde astral, c'est des choses qui sont correctes, sauf que l'expérience de l'humain dans l'astral doit servir l'humain. Mais par contre, les trois quarts du monde astral ont été structurés pour les intraterrestres. Et l'humain, donc, est associé dans son astralité à trois quarts d'une mécanique qui ne lui appartient pas. Et toutes les mécaniques anti-évolution, anti-homme, anti-ascensionnelles sont des mécaniques qui sont tributaires des extraterrestres. Ce n'est pas fait pour empêcher l'humain d'avancer. Quand il y a un prisonnier qui veut sortir, on le fouette. Mais quand il reste en dedans, on l'instruit, on le nourrit, on lui donne la télévision, les vidéos de fesses, s'il veut, n'importe quoi. Puis là, quand il veut sortir, on le fesse. Alors, par contre, l'humain, lui, est en prison parce que l'humain pense qu'il doit être en prison. Puis l'humain, lui, fondamentalement, il a à évoluer, à s'émanciper. L'intraterrestre, non. Lui, il doit rester là pour apprendre. Alors, l'humain est toujours en train d'essayer de s'émanciper, puis nécessairement, il est habillé en prisonnier. Fait que toutes les mécaniques anti-ascensionnelles travaillent contre lui. Puis l'humain, il se pose des questions. Puis l'humain, il prie le gardien de prison, puis lui dit, écoute, tu vas s'en sortir. Et le gardien, il bâtit pour que tu t'en sortes pas. Fait qu'en partant, t'as beau prier tant que tu voudras, tu vas rester là-dedans. Jusqu'à temps que tu finisses par comprendre que les dieux qui sont placés dans l'astral, qui doivent inhiber la mécanique intraterrestre, qui doivent les instruire. Ah, les dieux, ils m'ont instruit. Ils l'ont pas instruit. Ils parlaient aux intraterrestres, puis t'as entendu des morceaux. Là, tu te mets à comprendre que tiens, on est tous des frères et des sœurs, on vient de la même place. Oui, c'est effectivement. Ça veut dire que ça regarde eux autres, là. Ça regarde pas toi. Lui, il y a un paquet de faisceaux. C'est totalement différent. En tout cas, bref, ça m'intéresse. Ce que j'explique là, je ne l'ai pas dit vendredi. Mais ça serait intéressant que vous puissiez vous procurer la cassette. Autrement dit, Michel, prépare-en. Parce que la semaine tout à l'heure, il y a eu trop de travail. Puis, il vient de sortir, là. Faisant une de la conférence d'aujourd'hui, il faudrait que tu l'écoutes. Ah, vu qu'il vient de sortir. Mais c'est extrêmement important de comprendre que la personnalité, c'est une mécanique qui appartient à l'humain, que l'humain doit se servir. L'être intelligent ne détruit pas les formes, il ajuste les formes, il se sert des formes. Une forme qui est inutilisable, il la rejette ou il la déforme, c'est évident. Mais les formes sont utilisables. La majorité des personnes voient des problématiques dans leur personnalité. Pourquoi? Parce qu'on est multiples, on a des multiples personnalités. Alors c'est évident qu'on se regarde le visage, puis on trouve toujours qu'on n'est peut-être pas tout à fait correct. Mais vous remarquez que des matins, vous vous levez, puis subitement, vous vous trouvez plus jeune. Vous vous trouvez plus puissant, plus puissant, vous vous trouvez plus... Puis là, le matin, vous regardez encore la face, puis là, il me semblait pas du tout le matin. Là. Pourtant, vous avez le même maudit visage. Qu'est-ce qui s'est passé? En dedans, le filtre de personnalité filtre différemment. Comme quoi tout s'ajuste à ce qu'on veut. Il faut qu'on travaille à l'intérieur. C'est la personne qu'on doit travailler. Quand je dis à quelqu'un que tu es une bonne personne, c'est une bonne personne. Qu'est-ce que c'est une bonne personne? C'est une personne qui a de l'intelligence, une personne qui nécessairement est en paix, pacifique et douce, est aristocrate, est esthétique. C'est une personne qui est correcte. Une personne avec qui on ne peut pas avoir de problème, c'est impossible. Mais là, la personnalité va commencer à embarquer par-dessus ça, puis là, c'est avec la personnalité qu'on va faire affaire. Faut qu'on fasse affaire avec la personnalité uniquement si on est capable d'être transparent dans l'intelligence. Moi, j'ai une personnalité, j'ai même plusieurs personnalités que je déploie dépendamment d'où je vais et qui je rencontre. Mais à travers mes personnalités, les gens sont toujours capables de savoir qui je suis, dans la majorité des cas, quand c'est nécessaire. Et si une personne serait plus puissante que ce que j'ai pensé, puis elle me dit quelque chose, nécessairement, je vais être transparent au travers de la personnalité. Mais la personnalité, c'est une mécanique qu'on doit utiliser. Sauf qu'on ne doit pas devenir des personnalités. C'est là que l'humain se ramasse complètement. Il y a des personnes présentement qui sont apersonnalisées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de personnalité du tout. Bon, il y en a qui sont impersonnalisées, c'est-à-dire que, bon, ils n'ont pas conscience encore que... Ils ne voient pas quelle personnalité ils révèlent. Ils se disent impersonnels. Mais on voit une personnalité, nous autres, à côté d'eux. Puis c'est correct. Et il y en a qui sont apersonnels, c'est-à-dire que même ces personnes-là, on ne voit pas leur personnalité. C'est des personnes anonymes. C'est des guidants, tu comprends. Guidants, ok. Voilà, c'est un terme français, ça. Un individu. Hein? Un individu quelconque. C'est un individu quelconque. Quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il fait un vol, là, le gars qui le décrit, il dit, ben, c'est un monsieur comme tous les messieurs, là, il avait une face avec un nez, deux yeux, deux oreilles. Ça, c'est un guidant, un quelconque. Okay. Il y en a qui sont impersonnels. Les individus qui sont impersonnalisés et qui sont conscients de leur impersonnalité, souvent, au niveau de l'ego, ils vont vivre un petit problème aussi parce qu'ils vont se dire, bon, ben là, je dois faire comment? Comment dois-je m'asseoir? Comme ça, j'ai une femme, je suis poignée, comme ça, ça me semble trop jeune, c'est pas ajusté, comme ça, puis je suis à côté, pas à côté, je mets dans une poche, à personnaliser. Et la majorité des personnes qui, à un moment donné, ne savent pas quoi faire de leurs deux mains, ils n'ont rien que deux. Mais ça sont tous derrière de ce qui va, derrière les problèmes. Mais on a juste deux mains. Bon, pourquoi? Parce que les personnes deviennent subitement personnalisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est important, puis ta personnalité, elle sert à quelqu'un à elle. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas question qu'elle rentre là, elle est là, Christy, non. Toi, tu rentres là-dedans, là, bon, ça y est, là, les pieds, t'es assis dans le fauteuil, mais ça, le fauteuil est trop bas, il est trop mou, trop dur, les mains, on parle comment, tu te mets à transpirer, c'est pour regarder. Tu me regardes dans les yeux, tu la regardes dans les yeux, tu la regardes pas, là, tu commences à te geler même, si tu la regardes pas. Ta personnalité a foutu le camp. Là, qu'est-ce que tu es? Tu es une anguille. Okay. Une sangsue. Mm-hmm. T'es accroché dans la chaise, là, puis t'espères qu'il y a un courant d'eau comme t'as ramassé pour t'envoyer de là. La personne doit développer une personnalité, là c'est le temps. C'est-à-dire que quand l'être nouveau va être totalement centré chez lui, il n'aura pas besoin de travailler les personnalités. Pourquoi? Parce qu'il aura automatiquement la personnalité que l'autre aura besoin. C'est l'autre qui va créer ça. Mais en attendant, l'humain, il faut comprendre la chose, c'est qu'on ne doit pas viser l'être nouveau tout de suite. Ah, mais si on serait, il faut qu'on transite. Si moi je serais en Polynésie, là, je me promènerais sur un petit bateau, et puis un petit catamaran, avec une petite voile, puis j'irais sur le petit lagon d'un îlot à l'autre, d'un atoll à l'autre. Je vais chercher mes ananas dans l'atoll d'ananas, puis je vais chercher mes bras. Hein? Sauf que là, moi, ce que je me dis, je suis au Canada. Alors là, on m'explique qu'il va falloir que je prenne un avion. Tu sais, que je me prenne par l'avion, pour être précis. Alors je m'assois. Là, on nous dit, ben, en cas d'écrasement, pas encore. Puis là, moi, je suis là, puis je dis, ah, mais je vais pas m'écraser, moi, là, je vais aller en Polynésie. on le sait. Puis là, on t'explique autre chose. Ah, je peux pas avoir d'avion, moi, là, moi, je vais faire du catamaran. Tu sais, l'humain va être là tout de suite. Sauf que l'humain doit vivre une période de transition. Et la période de transition, elle est essentielle. Hein? On transite ou on transite pas. C'est pas bien compliqué. Tu sais, tu fais le voyage ou tu le fais pas. Alors, si tu fais pas le voyage, ben, tu peux t'acheter un gros, une grosse photo murale d'atoll de Polynésie. C'est bien correct. Puis tu peux te lancer de l'eau dans la face de temps en temps, tu sais, pour que ça aille avec les vagues que sur la peinture. C'est bien correct. C'est peut-être une illusion. C'est une illusion. Tu achètes des lampes à l'eau, j'en ai un gros pot, tu mets une petite famille en plastique, tu le roses de temps en temps, puis là, ça, c'est beau. Un peu de musique aussi. Bon, une petite musique avec des vaillinés qui se promènent, tu sais. Et puis, des poupées qui font la danse du ventre. Sauf que l'humain est très intéressant. L'humain, il se dit, moi, je l'ai avant vous autres. Tu sais? Oui, vous autres, vous transitez. Fait que là, la personne qui joue le rôle, elle vient voir, elle vous dit, t'as-tu des petites veinées chez vous? Non. Ah, nous autres, dans notre gang, on les a déjà. Ouais. Ah oui, il est pas mieux chez vous? Non. Ah, nous autres, dans notre gang, on les a déjà. Et c'est ça, ça va bien plus vite. Mais les personnes, ils vont finir par vivre la désillusion des dieux. quand il va y avoir une panne de courant, toute la Polynésie au complet vient de disparaître. Les poupées dansent plus, les lumières infrarouges marchent plus, le soleil est plus là. Il va te rester l'eau. Ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'il y a une phase de transition, puis la transition, elle doit s'opérer, puis pour s'opérer, elle s'opère en fonction de certaines mécaniques. Tu voyages, au minimum que tu embarques, c'est une loi. Tu mets tes pieds en avant de l'autre, tu montes l'escalier, tu n'essaies pas de grimper dans l'avion en rentrant par la queue, c'est bien compliqué. Surtout si tu rentres par un petit trou en arrière, là, qui est la sortie d'un réacteur, c'est compliqué. Et c'est la place, il fait chaud, je me couche. Et quand ça va décoller, tu vas rester là. C'est ça, mais c'est que les personnes ne savent pas qu'elles sont en période de transition. Les personnes le savent suffisamment, mais les personnes le refusent. Les personnes, ce qu'ils recherchent eux autres, c'est la téléportation directe de l'ère ancienne à l'ère nouvelle. Imaginez si la téléportation existerait, combien il y aurait d'imbéciles dans l'ère nouvelle! Ah, faut qu'il y ait au moins une filtration quelque part, faut qu'il se passe quelque chose. La différence entre l'ère nouvelle et l'ère ancienne, là, c'est pas la technologie, c'est l'humain. Alors l'humain, c'est le port snack, je suis rendu, hier, ça y est, je suis rendu. Ah, maudit, il fait bien chaud aujourd'hui! Ah, maudit, il fait bien fret! Ah, il pleut encore! C'est le même personnage. T'sais, dans l'ère nouvelle, il va y avoir encore un soleil. Il va y avoir encore des nuages. Il va y avoir encore des insectes. Des insectes humains, on va les appeler. L'humain doit comprendre qu'il y a une période de transition, puis dans la période de transition, on doit utiliser des mécaniques. Des mécaniques qui font partie de la gestion de l'évolution chez l'ère ancienne, et des mécaniques qui vont faire partie de la conscientisation de l'humain dans l'ère nouvelle. On doit comprendre les mécaniques. C'est des formules magiques, mais il faut que tu les prononces, il faut que tu les fasses comme du monde. C'est un médicament, il faut que tu le prépares. Facile de dire l'écorce de bouleau, ça aide pour le scorbut. Personne qui a le scorbut qui est là à moitié tombé, qui est chancé tout enflé, qui va attaquer un bouleau direct, elle va laisser ses dents dedans. Il y a une préparation, faut que tu le bois, mange pas ça, là, tu sais. Faut que tu saches quelle écorce, puis il faut que tu la ramasses, puis il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Facile de dire, prenez ce médicament-là, ça va vous sauver. Que tu prends la boîte, t'avales avec le carton, puis tout, tu sais, c'est pas correct. L'humain veut aller vite, hein, l'évolution au McDonald's. Un fast-food de l'évolution. Ce que l'humain doit bien comprendre, c'est que la transition est absolument sine qua non, puis on doit l'appliquer. La personnalité, c'est une des grandes clés, la mécanique des formes, utiliser les formes. Puis quand on utilise une forme, il faut faire attention. Parce que la personne qui mentalise énormément, va utiliser les formes en fonction de son ego. Une personne qui est assujettie à la mentalisation, qui est plafonnée à la mentalisation, c'est la personne la plus menteuse qu'il n'y a pas dans le monde. Et d'un mensonge qui ne peut pas être défait. Une personne qui mentalise, c'est une personne qui aura toujours raison. Et c'est un problème. Alors la personne, on doit utiliser les formes, non pas comme une personne qui mentalise. La personne qui utilise les formes comme une personne qui mentalise, elle va dire, écoute, je vais y faire à croire que je suis riche, puis peut-être que j'aurai mon prêt. Et là, tu fais des stratégies de communication humaine, puis ça, c'est ce qui va tuer la majorité des êtres transitifs. C'est les individus qui vont essayer d'appliquer les lois de l'ère nouvelle en fonction de leur conscience d'ère ancienne. D'hommes et de femmes, d'enfants anciens. Stratégie de communication, c'est rien de plus débile. Pourquoi ce n'est pas transparent? Ce n'est que du mensonge. Puis plus c'est du mensonge, plus l'autre va finir par s'en rendre compte. Quand il s'approche de le savoir, tu continues à mentir, puis tu t'enterres, puis tu t'enterres, puis tu t'enterres, puis tu t'enterres. La personne qui mentalise uniquement, elle va dire la forme, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Ce qui fait que moi, je vais, par exemple, vendre une chose absolument pourrite à quelqu'un, puis je vais lui vendre ça le plus haut prix que je peux. Puis la personne, quelqu'un va dire ouais, mais karmiquement, il y a un problème. Tu mentalises, il dit, ah, il y a un nom. Chacun fait sa job. C'est à elle de s'organiser pour se fourrer. C'est elle qui va apprendre. Moi, je l'ai fait évoluer. Moi, j'ai aucun karma. Puis c'est bien logique, je l'ai fait évoluer. Tu sais, elle va finir par apprendre, elle va s'écœurer de se faire fourrer. Elle va finir par faire attention, puis elle va s'émanciper. Même qu'elle devrait me payer pour ça. En plus de lâcher l'objet qui n'est pas bon. Puis c'est totalement logique. C'est totalement pas ça. Mais ça, c'est de la mentalisation. La mentalisation, elle rejette totalement la mécanique d'esthétisme. C'est sur la faute des autres. Puis, ah! Moi, j'ai été manipulé de donner un poing sur la face. C'est pas de ma faute. C'est vrai. C'est de la mentalisation. Il y avait juste à se tasser. Alors, il y avait juste à se tasser. Il y avait qu'à pas m'écœurer. Il y avait qu'à n'importe quoi. T'auras raison. L'autre, il peut dire, bon, ben écoute, là, moi, je suis en manipulation, moi aussi, là. J'en sens une, bang! Excuse-moi, j'ai été manipulé. C'est vrai qu'il a été manipulé. Le pire, c'est que c'est vrai. Sauf que tu restes dans une mentalisation où on n'en sort plus. Parce que là, on va savoir qu'on est manipulé, mais on va s'entretuer au nom de la manipulation. Tu sais? Tu le sais, tu as raison, mais ça ne sert à rien. Alors, l'humain doit utiliser la forme, et non pas en mentalisation, l'humain doit utiliser la forme avec l'esthétisme. La forme qu'on doit utiliser, c'est pas pour avoir l'autre, c'est pour avoir ce qui, chez nous, nous nuit. C'est pour réussir à y jouer un tour. à ce qui chez nous de nuit. C'est pour faciliter notre ascension, faciliter notre élévation. Très, très, très simple. Alors, on utilise la forme de quelle façon? Eh bien, on joue avec la forme, on joue avec les mots. Vous écrivez une lettre à votre patron, vous organisez pour qu'il aille ce que vous lui mentez pas. Mais vous vous organisez pour faire ça d'une façon correcte. Vous lui écrivez un petit poème, par exemple. Parce que ça va... C'est sûr que s'il n'a pas aimé ça, c'est pas fort. Mais en même temps, il n'y a pas de poème. C'est pour pas aimer. Mais on doit utiliser la forme, donc le vêtement, donc la parole, mais de façon à se former nous. Et non pas de façon à réussir dans la matière. Tout va venir. C'est l'abondance totale chez l'être nouveau. Comment tu appelles ça? L'opulence. L'opulence, oui. Pas l'opulence. Vite opulent, moi je veux être abondant. Bon, mais c'est ça. C'est en avoir beaucoup plus que ce qu'on a besoin. C'est ce qui va arriver. On va être des gardiens de. Ça va être bien correct. Des régisseurs de. Mais l'humain doit nécessairement utiliser la forme d'une façon intelligente et non pas dans le but de réussir dans la matière. Quand on fait des réunions, quand on travaille au niveau des compagnies, souvent les gens, c'est tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ça. La réussite dans la matière. La réussite dans la matière. Ah, mais il y a du monde là, qui font des affaires d'évolution, ils font même des affaires, puis ça marche tout plein. Vous êtes au courant de rien, ça marche pas fort. Puis en plus, c'est pas ça qui est la réussite. C'est l'humain, c'est bien plus l'humain. Qu'est-ce que vous voulez? Être un être qui aura réussi, pour aller réécrire ça sur votre tombe. Ou être un être qui soit simplement heureux, tombe pas tombe. Hey, l'humain doit comprendre qu'il doit utiliser l'intelligence, utiliser la forme, c'est en fonction de se parfaire soi-même, et non pas de réussir au niveau de la matière, de réussir à avoir ceci, d'avoir cela. La forme, c'est ce qui va engendrer, c'est la personnalité. La personnalité, le problème qu'il y a, c'est que la personne qui est impersonnalisée, elle peut exprimer la transparence. C'est normalement, une personne consciente à personnaliser sont normalement les personnes les plus belles. Pourquoi? Parce que tout est parfait. C'est extrêmement correct. La seule chose qu'il y a, c'est que la personne, elle, se retrouve pas du point de vue de son ego. Mais sa personnalité, là, elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'elle en a une, comme tout à l'heure j'expliquais. La personne qui est suffisamment avancée dans l'ère nouvelle, l'être nouveau, ne jouera pas avec les personnalités. Pourquoi? Parce qu'il aura automatiquement la personnalité que l'autre va avoir besoin. Quand je rencontre de rares personnes impersonnelles, elles sont souvent personnelles pour un petit bout de temps, alors quand elles sont impersonnelles, eh bien, je la trouve absolument parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle a exactement la personnalité qui me sied le mieux. Et là, elle rencontre quelqu'un d'autre, l'autre va dire, hey, cette personne-là, là, correct en maudit. Ah oui, puis ça me la décrit, il va dire, ah tiens, elle a joué sur la forme, tu sais. Elle n'a pas joué du tout, l'autre. Tu t'adaptes à d'autres personnes? Ben oui. Un peu comme un caméléon. Exactement. Mais l'autre ne joue rien. Puis le caméléon est toujours ajusté dans la transparence, dans le plaisir, dans la joie. La personne reste elle-même. Puis elle ne se rend pas compte que. Elle se rend bien compte qu'elle rencontre un tel, puis l'autre l'aime bien. Puis elle rencontre un autre, puis ça va. Puis les deux, ces deux-là, c'est deux ennemis, tu sais. Puis elle est bien correcte avec tout le monde. Elle n'a pas besoin de faire des stratégies de relations humaines. Par contre, elle doit accepter la personnalité qu'elle dégage, la personnalité qui est impersonnelle. Est-ce qu'elle le fait consciemment ou ça se fait Elle le fait inconsciemment. Au départ, parce que souvent, ces gens-là en ont un petit peu peur. Ils disent, ouais, mais c'est parce que là, je ne sais pas trop, c'est quoi ma personnalité. Ben, tu t'habilles un matin, tu t'habilles, puis es-tu correct? Non. Bon, ben, avec tout différemment. À un moment donné, oui, ça me permet de m'exprimer. C'est ça. Je cherche pas de mots, je cherche pas de noms, c'est ça. Tu as une personnalité qui est une personnalité caméléone qui pourra changer, puis on s'en balance. Elle va s'adapter à ce que les individus auront besoin. Mais l'humain doit comprendre la mécanique de la forme. Quand j'explique souvent qu'à la maison, ça doit être ordonné, c'est une forme. Les individus qui ont des maisons désordonnées sont des individus qui autorisent l'astral à venir se manipuler leurs choses. Donc, c'est des individus qui mettent le mental dehors, le mental ordonne, dans les deux sens du terme, donne des ordres et mettent de l'ordre. Et la personne qui maintient juste son sac à main ou sa valise d'auto ou des choses comme ça, son coffre à outils, absolument à l'envers. J'ai expliqué au dernier PMC Plus qu'on doit faire le ménage une fois dans sa vie. On ne doit plus jamais faire de ménage après. Pourquoi? Parce que tout doit être suffisamment entretenu pour qu'on n'ait plus jamais besoin de faire de ménage. Ça devient facile. C'est une personnalité. La personnalité, c'est pas l'individu qui se promène avec 300$ dans ses poches, puis tout son compte en banque est dans ses poches. Alors, quand on sort au restaurant, genre, c'est 300-400$, tout le monde pense qu'il est riche, il n'est pas riche. C'est la totalité de son argent. C'est pas son petit change. C'est la totalité de son argent. La personne est toute bien habillée, toute bien correcte. Puis là, tu te dis, j'aimerais ça aller un peu chez toi. Oh, elle veut pas. Elle reste dans un taudis. Ça n'a jamais été propre chez elle. C'est le bordel chez elle. C'est le genre d'individu, vous en connaissez probablement comme ça, quelques-uns, c'est rare. Le genre d'individu qui, quand vous rentrez chez eux, ils vous disent tout de suite, oh, regarde pas le désordre. Mm-hmm. Et ces personnes-là sont des personnes qui se laissent assujettir par les ondes de forme, par les personnalités de ce qu'ils ne doivent pas être, mais qui vont continuer à entretenir. Et que c'est facile. À un moment donné, on a bâti une chose, c'était très, très, très propre. Et puis, progressivement, on avait une bébelle qu'on ne savait pas où mettre, fait qu'on l'a mis quelque part. Et puis, on a mis un autre, puis on a mis un autre. Un an après, on a décidé qu'on éliminait tout ce qu'on avait mis à la mauvaise place. Une journée, je crois, à plusieurs personnes, à ramasser les petites choses qu'on a mis à la mauvaise place. Puis quand on a fini de tout au complet, on a subitement redécouvert la beauté de ce qu'on avait bâti. Comme quoi, on s'habitue très facilement à un bordel qui s'accumule lentement, qui s'apparaît pas, puis on y va, puis on y va. Ce sont des personnalités qu'on réincarne, qui vivent à la campagnarde. Hein, quand tu passes dans la cour arrière des campagnes, tu vois toutes les dômes de tout le monde, tu sais, le vieux char de 1915-1935, que le vieux chariot, puis un outil pour labourer, qui il n'y a même pas un cheval aujourd'hui pour attirer ça. T'sais. Bon, tout est là. Les individus peuvent travailler leur personnalité. La personnalité réincarnationnelle, c'est une mécanique qui vient nous donner des apparats. Quand on réincarne la personne, on réincarne le fondement de l'humain, c'est-à-dire qu'on réincarne l'humain avant son malheur. Disons qu'un jour, quelqu'un réincarne un roi, la personne, ou une reine, ou un prince, une duchesse, un vicomte, une vicomtesse, réincarne une personne de la royauté, mais une personne, pas une personnalité. En réincarnant une personnalité, automatiquement, tu as commencé à voir avec le petit doigt en l'air, puis tu as commencé à, tu sais, bon... Tu as trouvé ça le fun de niaiser le monde. Tu vas dire, tu me sens que tu ne pouvais pas comme il faut, puis bon. Tu commences à tout à corriger. Si tu réincarnes une personne, ce qui va arriver, tu vas réincarner la puissance autoritaire, la puissance énergétique de l'individu, ça, tout ce qui pourrait faire chier les autres. Excusez. Tu comprends? L'individu ici qui réincarne une personne de la royauté va subitement être reconnaissable comme étant une personne de haute valeur. Haute valeur, non pas en fonction de son poste, mais en fonction de son énergie. Mais elle va rester elle-même. Si vous réincarnez une personne, vous allez rester ce que vous êtes. Puis ça, c'est une chose que les gens ont souvent la difficulté à comprendre au niveau des formes. Si tu deviens riche, tu changes ta personnalité. Donc, tu es devenu une personne chiante, écœurante, snob, tu perds tes amis, Et c'est suffisant pour que les égos ne veulent pas que les gens soient riches. Mais si tu restes toi à travers le fait que tu réincarnes des personnes qui ont eu de la richesse, par exemple, qui ont eu du temps, mais si j'ai du temps, qu'est-ce qui m'a fait ennuyer? Moi, j'apprends à boire du thé et jouer aux cartes. Tu as imité les grandes personnes snobles, tu sais, là, puis tu dis, bon, OK, c'est qui commence, qui c'est qui dit la première stupidité, là, tu commences à jaser. Là. C'est pas ça du tout. Quand tu réincarnes la personne avant son ennui, avant ses déboires, avant ses problèmes, avant ses peurs. Tu réincarnes l'individu fondamental. Vous autres, là, si on vous élimine tous les paramètres, toutes les structures de l'ego qui vous camouflent, vous êtes totalement parfaites. Il y a des personnes qui ont fait des exercices PMC à un moment donné, que ce soit au niveau du jus de la vie, que ce soit au niveau rien que la démarche d'attente, des choses comme ça. Et à un moment donné, ils se trouvent totalement calmes, tout est parfait, ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas de peur, ils n'ont même pas froid s'il fait froid, ils n'ont pas chaud s'il fait chaud. Tout est parfait. C'est ce que vous êtes. C'est ce que ça, c'est une personne, c'est ça. Une personne, c'est ça. Du point de vue des personnalités, une personne, c'est personne. C'est évident. C'est pour ça qu'on a besoin de personne. Parce que les personnalités qui gèrent le monde, qui gèrent toutes les structures au complet, ainsi que les protocoles. Mais la personne, on l'a tous. Maintenant, c'est les personnalités qui viennent nous brimer. Puis si on est transparent au travers de la personnalité, il n'y a plus de problème. Vous êtes super bien habillé. C'est la première fois de votre vie que vous vous habillez comme ça. Vous avez loué un vêtement qui se vend 2 000 ou 3 000 normalement. Vous avez loué ça. Et puis là, vous promenez avec tout ça. Vous arrivez dans le restaurant, à votre mariage, à votre divorce, vous fêtez ça. Vous arrivez quelque part, puis là, subitement, pouf, une petite tache de moutarde qui part dans les airs, qui fait 3 ou 4 pirouettes et snack sur le beau veston blanc. Ou sur la belle robe blanche. Est-ce que ça altère votre personnalité? La majorité des gens vont être défaites au complet. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des personnes, elles sont des personnalités. Là, il y a une personnalité à tache de moutarde. Et ça, normalement, tu connais qu'un égrégore de mal à l'aise, d'un beau maudit, ça vient du hot dog de l'autre. Tu sais? Mais si vous êtes une personne, ben, vous la grattez. Et puis vous en balancez. Non, on ne dit pas certitude, on ne se donne pas des raisons. Là, tu es encore en train de se mentir. Là, c'est comme tout à l'heure, tu disais, tu joues à la personne qui ne se dérange pas. Oh oui, l'étage et moutarde, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve que ça fait des décorations. Maintenant, tout le monde a fait une étage et moutarde. Tu sais, le monde, là, que ça ne dérange pas eux autres, là, c'est sûr que ça les dérange le plus. Tu n'as rien à foutre de l'étage de moutarde. Quelqu'un va dire, si tu as fait une étage de moutarde, lequel est? C'est la grosse, la petite, la voyez-vous? Non. Là, non. Le duc de lunettes. C'est un test de vue. C'est pas une tête de moutarde. Ce qui est intéressant, simplement, c'est que la personne, elle va être totalement elle. Si elle a à s'amuser, elle va s'amuser avec ça. Tu sais, si c'est les gens. Mais il n'y a pas de problème. Combien de problèmes vivez-vous avec vos personnalités? C'est la même chose. Juste le fait d'être nu devant quelqu'un, c'est tout un amancheux. Pourquoi? Parce que vous avez plus bien de personnalité. On finit par en faire. Il y en a, il y a du monde, c'est tout de même effarant, comment ils s'en font pareil, là. Ils se maquillent partout. Bon. Mais, j'ai des choses, là, mais... Là, je voudrais savoir, quelqu'un qui réincarne une personnalité de quelqu'un de sa famille, par exemple, un parent, et puis, comment elle peut éviter de réincarner cette personnalité-là, une personnalité qu'elle ne veut pas du tout réincarner? Refuse-la. De quelle façon? Fais pas ce que la personnalité te demande. Faut que tu fasses l'inverse de ce qu'elle te prescrit. Comme j'expliquais, si t'es toujours assis comme moi, puis ton père, c'est toujours assis de même. Puis là, progressivement, tu commences à t'asseoir, puis lentement, t'es rendu comme ton père. Tu réincarnes ton père. Si cette personnalité-là, tu ne l'aimais pas comme il faut, comme par exemple, quand il est comme ça, là, on sait que deux jours après, il est en beau maudit, il se met à boire. Tu sais, tu connais ton père. Mais là, immédiatement, il faut que tu t'en rendes compte, puis là, tu commences à... Non. Puis là, ça... Non. Le bonhomme, non, c'est habituel à lui. Puis c'est pas long que le bonhomme, il finit par aller voir ailleurs. N'importe quelle réincarnation de personnalité. Tu commences à être chialeux chez vous. Refuse d'être chialeux chez vous. Bon, mais oui, mais j'ai déjà été chialeux v'là un an. T'es en train de te réincarner. Dans le cas, mettons, d'un parent qui était malade à... Tu commences à être malade, toutes ses habitudes, ses façons de parler, ses façons de se plaindre, son alimentation, apprend des petites choses, décolle de ça. Il ne pourra pas venir. Ça va énormément aider. La personne doit faire ça. Elle doit apprendre à vivre. Puis la meilleure chose, c'est pas de se dire, c'est pas de fuir une personnalité. C'est de travailler pour exprimer que les personnalités que tu veux aller chercher. Uniquement. Que les personnalités que tu veux aller chercher. Puis tu oublies les autres. Tu t'en balances, c'est ça. Ah oui, parce que si comme ça, là, toi, t'aimerais avoir une personnalité où tu es à l'aise, mais ça, tu te croches. Pas pour fuir ton père. Parce que ce que tu veux, endoformiquement, par la développer, dégager, pour créer une synergie interne qui va t'amener à monter sur certains paliers, c'est certaines choses, tu adoptes ça. Je le répète encore, faut qu'on cultive ce qu'on veut aller chercher, faut qu'on cesse de perdre notre temps à lutter contre ce qu'on veut pas. Parce qu'à un moment donné, tu as lutté contre tout ce que tu voulais pas. Tu as tué tous tes ennemis, Flore. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pas d'amis, pas de château, pas de terre, avec des cadavres. Il ne peut rien. Alors que si, au lieu de rester là pour te battre contre tes ennemis, tu t'en vas et tu retrouves des amis, en gang, ils vont peut-être venir, peut-être que les ennemis ne suivront pas, puis progressivement, tu t'en vas vers ce que tu veux. Puis le reste ne te suivra pas, là. Tu ne peux pas te suivre, là. Quand un loup vous court après, battez-vous pas contre le loup, rentrez chez vous, puis il ne rentrera pas. C'est bien plus plaisant. Je sais qu'il manque des morceaux. C'est du loup à manger, mais quand c'est pas de l'humain. Que le loup va manger. Les personnalités, c'est extrêmement important qu'on comprenne la mécanique, c'est que les personnalités réincarnatives sont des mécaniques qui viennent nous amener des apparats. Ces apparats-là, normalement, on s'en sert du point de vue de l'astral uniquement pour nous donner de la valeur. Là, maintenant, il faut que l'humain comprenne qu'il ne doit plus, l'humain ne doit plus se servir des personnalités comme apparats pour donner de la valeur à son ego, il doit se servir des personnalités comme apparats pour s'ouvrir des portes dans le monde de l'ère ancienne. Et l'individu va progressivement, il faut qu'il travaille lui-même à être une personne. Moi, je peux insulter vos personnalités. Je ne peux pas insulter vos personnes. T'as bien grané. C'est ton corps physique, c'est pas toi. Il fait partie des personnalités. De l'expression des personnalités. Tes souliers sont laids. C'est pas toi. C'est partie de l'expression des personnalités. On peut insulter vos personnalités. On peut pas vous insulter, vous, en tant que personne. Mais on est toujours en train de jouer avec la forme en se faisant ramasser par la forme. Ça n'a rien à voir. Combien, pensez-vous qu'il y aura toujours du monde pour vous aller? Hein? Pas rien que ceux qui vivent en Afrique. Du Zahir, tu connais? Il y a d'autres du monde pour vous haïr, pour vous détester. En passant notre vie à essayer de se faire aimer par tout le monde, ça ne fonctionnera jamais. Alors, ce qui fait que finalement, on doit s'arranger en fonction de nous-mêmes et on doit être une personne. Les personnes sont absolument inatteignables dans le monde de l'astral. Les personnalités le sont. On joue avec les personnalités pour travailler avec les personnalités. Ça va nous aider quand on les travaille convenablement. Puis, on ne faut pas qu'on se touche par le fait qu'on touche la personnalité. C'est ta lampe, ça, oui? Hey! Là, il était insulté à l'homme. Salance! Hé, talent! Il pognait encore comme un bon! Franchement, faut être pas tellement lumineux. On fait une pause et on revient.